c'est. Je vous trouve dur quand même avec les bons vivants. Je pense que vous vous plantez. Mais vous avez raison, je vais y aller mollo dans les prochaines semaines, ça pourra pas me faire de mal.